Allô, Cyril ? Oui, c'est moi. Bonjour, je m'appelle Magnus. Je suis étudiant Erasmus et je cherche une chambre à louer. Est-ce que la chambre de l'annonce est libre ? Oui, la chambre est disponible. L'appartement est où ? Est-ce qu'il est dans le centre ? Oui, rue Lejeune, à côté du jardin japonais. Qu'est-ce que c'est le jardin japonais ? C'est un parc très agréable à découvrir. Tu as une connexion Wi-Fi dans l'appartement ? Bien sûr. Et c'est possible de faire la cuisine ? Pas de problème. Le prix, c'est bien 200 euros par mois. Oui, c'est ça. Okay.